Alors, on prépare un court bouillon de l'eau avec du sel, du poivre, du thym, du laurier, des épices. On commence la cuisson à eau froide et dès que ça bout, on compte à peu près 25 minutes de cuisson. Et après, on en sort un, on goûte pour voir si c'est bon. Mais avant, il faut les dégorger. Dégorger, ça veut dire on les met dans de l'eau avec du gros sel pendant 2-3 heures. Après, on le mélange, on nettoie et on fait cuire et puis on se régale avec. C'est très bon. Et il y a un crabe qui bouge là. Ouais. Là, ça va, ils sont plus fatigués, ils bougent là. Ils étaient plus fatigués, hein. Quand ils ont froid, ouais, ils s'endorment. C'est comme nous, quand on a froid, on dort pour se réchauffer, ben eux, c'est pareil. Est-ce que quand on pêche, et ben, après, comment on les mange parce que normalement, c'est dégoûtant parce qu'ils restent longtemps dans l'eau. Dans l'eau. Non, on le nettoie. Si tu veux manger un poisson, on le nettoie, on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur et on le mange. Et le crabe, c'est pareil. Ah, oui, bah, il retire les intestins, voilà, ouais. Les branchies, les nageoires, ouais. On enlève les arêtes. Ah bah oui, ça se mange pas des arêtes. C'est dangereux, parce qu'ils ont ramené l'après-midi, ben nous on le vend au matin. Ça dépend, des fois il peut partir à 11, à 23 heures, des fois il peut partir à 2 heures du matin. Et ils reviennent à peu près, s'il part au soir à 17 heures, ils reviennent vers 9 heures, 10 heures au matin. Temps d'aller sur la zone où c'est qu'ils pêchent, et après de revenir. Ah non, ça fait très mal. Hein. Moi, je m'avais fait pincer par un petit comme ça. J'ai voulu le prendre. Il m'a pincé ici. Ben, j'ai perdu mon ongle. Il est devenu tout noir. Et puis, ben voilà. Même qu'ils sont petits, ça fait très mal. Ça dépend. S'il te prend sur l'ongle, ça va. S'il te prend sur le côté, oui. Parce que ben, après, on a la peau qui se déchire quand on veut qu'il ouvre sa pince. Et puis ben, quand on bouge, et ben, plus qu'on bouge, et plus qu'il serre la pince. Et ben, comment on fait pour le remettre? Ah ben, j'ai dû tirer mon doigt. Nous, on a l'instinct de tout de suite retirer que... Alors, bon, du coup, ça va. Bon, non. Oh non, on regarde, j'ai encore tous mes doigts. Du coup, et ben, ça, c'est votre main, ça, c'est le crabe. Du coup, après, vous allez le retirer. Voilà, j'ai tiré un grand coup. Ça fait mal. Ah oui. Pourtant, je suis une adulte et j'ai eu mal. Ah oui. Non. Ah bah non. Ils ne sont pas tous ouverts le lundi. C'est très rare. Non. En plastique. Ouais, mais À Boulogne. On n'habite pas loin.